Chapitre 12e. Un jour, Claire, étant allée voir son père, de passage à Paris entre deux voyages, prit à la gare, en revenant, un journal où elle lut la note suivante. La saison s'achève. Nos belles mondaines s'apprêtent à quitter Paris où l'on quittait déjà. Hier, dernière réunion chez Madame la Marquise de Sizrac, qui part la semaine prochaine pour Biarritz. Beaucoup d'artistes, de gens de lettres, le sculpteur Marcellus, dont le beau bronze, coupe au ivre, a enfin marqué au dernier salon l'entrée de la sculpture française dans les voies d'une franche modernité. Cyprien Bordère, l'heureux et déjà célèbre auteur de cette Souillon qui fait la fortune de son éditeur. Le romancier Raymond Blacher, l'un des hôtes assidus de cette hospitalière maison. Claire n'en lut pas davantage. J'aurais dû me douter, pensa-t-elle, que c'était là qu'il allait. Et jusqu'au bout du trajet, elle resta enfoncée dans le coin de son compartiment, regardant droit devant elle, sans rien voir. Elle passa la soirée à tricoter au salon, tandis que Raymond faisait une partie de whist avec sa mère et l'abbé. Par moments, elle posait son ouvrage sur ses genoux et se remettait à regarder fixement dans le vide, les sourcils contractés par le travail intérieur de sa pensée. Quand ils furent tous deux, seuls, dans leur appartement, Claire dit à son mari « Vous m'avez parlé autrefois de conseils que votre père vous a laissés par écrit quelque temps avant sa mort. Il y était question, si j'ai bonne mémoire, de la conduite que vous devriez tenir envers celle qui serait un jour votre femme. En effet, mais à quel propos? Vous avez conservé ce papier, je pense? Naturellement. Est-il ici ou à Paris? Ici, dans ce meuble. Puis-je vous demander de me faire connaître le passage où votre père vous exposait ses idées sur le mariage? Sans doute. Bien que cette demande me semble, je l'avoue, tout à fait surprenante. Il ouvrit un secrétaire et tira d'une enveloppe un papier qu'il lui tendit. « Lisez-vous-même, » dit-elle. Sa voix était grave. Elle se tenait debout devant lui, toute droite, pâle, les yeux brillants, les mains croisées à la place qu'elle ne quittait plus, étant là plus près de celui que ses doigts eussent déjà voulu caresser, si belle, si digne, dans cette attitude d'auguste et chaste maternité, que Raymond se sentit pris en la regardant d'une certaine émotion. « Lisez, » reprit-elle. Il déplia le papier, et d'une voix qui tremblait un peu, lut ces lignes. « Aime une femme, une seule. Fais de cette femme ta compagne et la mère de mes petits-enfants, que je ne verrai pas. Aime-la de toutes les forces de ton être, et respecte-la autant que tu l'aimeras. C'est là qu'est la vérité, là qu'est le bonheur. Hors de là, il n'y a rien. » « Je vous remercie, » dit-elle. Elle fit quelques pas dans la chambre, puis, revenant se mettre à la même place, en face de lui, reprit après un silence. « Le jour où nous nous sommes mariés à la mairie, vous m'avez juré fidélité devant les hommes, est-ce vrai ?»« Oui, mais que signifie cette mise en scène? Et où voulez-vous en venir avec toutes ces questions ?» Elle continua, comme si elle n'eût pas entendu, de cette même voix lente et grave que Raymond ne lui connaissait pas. Le jour où nous nous sommes mariés à l'église. Vous m'avez juré fidélité devant Dieu. Ayant reçu ses conseils, ayant fait ses serments, pourquoi ne m'êtes-vous pas resté fidèle? Moi? S'écria-t-il avec un accent de sincère indignation qui fit du bien à la jeune femme. Moi, je vous trompe? Avec qui donc, je vous prie? Avec Madame de Sizrac. C'est faux. Que faisiez-vous hier chez elle? Eh, parbleu, ce que faisaient les gens qui s'y trouvent avec moi! Je regardais, je me faisais voir. Vous m'avez assez reproché autrefois de vivre comme un ours. Si vous avez pris le monde en grippe juste au moment où je commence à trouver que vous n'aviez pas tort de me vanter ses charmes, est-ce ma faute? Pourquoi êtes-vous allé chez cette femme sans me le dire? Pour éviter quelques scènes absurdes, comme les celles que vous me faites en ce moment. Enfin, vous êtes devenu de ses intimes, tout le monde le sait. Les journaux le disent, et moi seul, moi, votre femme, je l'ignore. Parce que vous me l'avez caché. Je veux croire que vous n'avez pas commis ce crime abominable de trahir lâchement la foi que vous m'avez jurée. Votre conduite n'en est pas moins équivoque et louche. Je n'attendais pas cela de l'homme d'honneur, de l'homme de devoir que je vous croyais être. Et sans lui laisser le temps de répondre, Claire entra dans sa chambre. Raymond fit un pas en avant pour la suivre. La porte se ferma devant lui. Il marcha de long en large, pendant quelques instants, ne sachant que faire, adoptant pour les abandonner aussitôt mille résolutions contradictoires, partagées entre l'humiliation, le repentir et la colère, mourant d'envie de frapper à cette porte, de se jeter aux genoux de sa femme, de la prendre dans ses bras et de lui demander pardon. Puis, sentant son orgueil d'homme se révolter au souvenir des paroles qu'elle venait de lui jeter à la face, son cœur se gonflait de rancune et des mots cruels qu'il murmurait tout bas lui montaient aux lèvres. Il finit par se mettre au lit et s'endormit d'un sommeil lourd. Le lendemain, qui était un samedi, il quitta Châteaufrayer de bonne heure, en chargeant sa mère d'annoncer à Claire que Cavaroc, sur le point de quitter Paris pour Fontainebleau, où il passait l'été, l'avait invité à déjeuner avec quelques camarades. « Pourquoi ne le lui dis-tu pas toi-même ? » demanda la générale. « Tu ne l'as donc pas vue ce matin ?»« Elle dort encore, » répondit-il avec un peu d'embarras. « Ah, c'est étonnant, enfin soit, je lui ferai ta commission. Va voir ton ami. Puisse-t-il te donner de bons conseils ? Tu en as besoin, mon enfant. Je ne sais pas ce qui se passe en toi, mais je soupçonne bien des choses graves et tristes. Souviens-toi que ta femme est irréprochable. Sois-le toi-même. » Madame Blacher et sa belle-fille déjeunèrent en tête-à-tête. Claire n'avait fait aucune observation en apprenant le départ de son mari. Le déjeuner fini, elle envoya chercher son chapeau, son ombrelle, ses gants, et fit atteler en annonçant qu'elle allait dire adieu à son père, qui devait quitter de nouveau Paris dans 24 heures. « Deux voyages en 2 jours, voilà bien de la fatigue pour vous, ma fille, » dit la générale. « Songez que c'est pour la fin du mois. Dans 3 semaines au plus, peut-être moins. »« N'ayez pas peur, » répondit-elle avec un sourire vaillant. « Vous savez bien que je ne me suis jamais mieux portée. Il faut que j'y aille, à ce soir. » Elle resta quelques instants seulement auprès de son père. En le quittant, elle prit une voiture et se fit conduire rue Barbet de Jouy. La voiture s'arrêta devant la porte d'un hôtel de très noble apparence. Claire descendit, écrivit quelques mots au crayon sur une carte et attendit, dans le petit salon richement meublé où on l'avait introduite. Elle était là depuis 2 minutes à peine, quand une porte s'ouvrit, livrant passage à Madame de Sizrac. « Vous avez, paraît-il, absolument besoin de me parler, madame, » dit la marquise. « Me voici. » Elle prit place dans un fauteuil en face de la jeune femme, avec cette aisance hautaine qui ne l'abandonnait jamais. « Ma visite, madame, doit un peu vous surprendre, » dit Claire. « Pourquoi ? » ?»« Vous oubliez qu'il y a 2 ans que je l'attendais. J'en suis donc beaucoup plus charmée que surprise. Ceci dit, peut-on savoir ce qui me vaut l'avantage de vous voir aujourd'hui ? » ?»« Voici. Mon mari a, je le sais, l'honneur d'être de vos amis. » »« Cela est parfaitement exact. Serait-ce à ce sujet que vous avez des choses si pressantes à me communiquer ?» « Pas précisément. Mais c'est cette amitié que j'invoque en vous demandant de me rendre à moi, sa femme, un service. »« Un service ? Comment donc ? Avec le plus vif plaisir. Voyons, qu'y a-t-il ? Que puis-je faire ?»« Vous pouvez prouver qu'on a raison d'assurer que vous êtes du petit nombre de celles qui, ayant infiniment d'esprit, se donnent encore le luxe d'être bonnes par-dessus le marché. Vous pouvez m'aider à sauver la paix de mon ménage, qui est gravement compromise en ce moment. »« Que me dites-vous là ? Je vous croyais le couple le plus uni de la terre. » Nous commencions à l'être. Par la faute de mon mari, nous ne le sommes plus. Il dépend de vous que nous le redevenions. Ah mon Dieu, mais c'est une mission de confiance. Tout à fait. Elle vous effraie ? Non. Mais je doute un peu de mes aptitudes à la remplir. Vous avez tort. Personne ne saurait s'en acquitter mieux que vous. Très honoré, mais pas convaincu. Quand un mari a besoin d'être morigéné, madame... Il me semble naturel que sa femme ne s'en remette pas de ce soin à un tiers. J'ai personnellement assez peu de goût pour ce rôle, comment dirais-je, de pédagogue, que vous me faites l'honneur de m'offrir. Même si en l'acceptant, c'est une bonne œuvre que vous faites. Une bonne œuvre, une bonne œuvre. Je vous avoue qu'on n'est jamais venu m'en proposer de ce genre. Excellente occasion de faire connaissance avec une forme nouvelle de la charité, plus méritoire peut-être que les autres. « Que vous savez donc bien qu'était, madame. Enfin, voyons, mettez-moi au courant, puisque vous y tenez. Qu'est-ce que vous lui reprochez à votre mari, d'abord ? Il vous néglige, il se dérange, il court. Auquel de ces 3 points en est-il ? Au premier. » « Et vous vous plaignez, après 2 ans de mariage. Mais c'est au 3e qu'il devrait être, ce garçon. Je vous supplie de ne pas lui dire qu'il est en retard, madame. » La marquise se mit à sourire, en regardant Claire avec plus de bienveillance qu'elle n'avait fait jusqu'alors. « Gentiment dit ça. Nous sommes donc un peu délaissés, n'est-ce pas? Eh bien, pourquoi vous délaisse-t-il? Vous l'êtes-vous demandé? Avez-vous quelque idée là-dessus? J'en ai une très arrêtée. C'est qu'il y a entre lui et moi quelqu'un qui ne devrait pas s'y mettre, qui détourne à son profit une partie de la confiance, de l'affection, des égards, que mon mari ne doit qu'à moi seul, et dont je n'entends pas qu'il me frustre. Ah, fit la marquise en s'éventant négligemment, et vous soupçonnez quelqu'un? Mon Dieu, non, madame, personne. Seulement il me semble que vous devez la connaître, vous, cette femme. Qu'elle est de votre monde, de votre entourage, peut-être. Dites-lui donc, c'est là le service que je suis venu vous demander. Dites-lui, si vous la rencontrez un jour, que ce qu'elle fait mal. Un mot plus fort, celui de criminel, me venait aux lèvres. Il est excessif, sans doute, car je ne crois pas que cette femme soit méchante. Ni qu'elle se rende un compte très exact de tout ce qu'il y a de cruel pour une autre, de malfaisant, dans le jeu de coquetterie qu'elle joue. Je compte sur vous pour le lui faire voir. La commission est charmante, merci. Vous avez tant d'esprit, madame, que vous saurez tourner la chose comme il faut. Et pour que la bonne œuvre soit complète, parlez aussi à mon mari. Montrez-lui qu'il s'est engagé dans une voie dangereuse et que la loyauté, l'honneur, le devoir lui interdisent d'y faire un pas de plus. Si cela ne suffit pas, dites-lui que je souffre, qu'il me rend malheureuse, oh, très malheureuse, qu'il devrait avoir un peu pitié de moi. Excusez-moi, madame, je m'étais promis d'être vaillante, de garder devant vous la pudeur de mon chagrin, et voilà que toute ma fierté s'en va. Je ne sais ce qui me prend de vous dire toutes ces choses. Ma tête se perd, vraiment. Je me croyais plus forte. Elle parlait avec effort, d'une voix entrecoupée qui faisait mal à entendre. Une pâleur affreuse avait envahi ses traits. Ses yeux se fermaient à demi. Sa tête se renversait en arrière. Sa respiration était devenue courte et précipitée. « Ah, mon Dieu, mais vous vous trouvez mal ?» dit madame de Sizrac. Et elle prit un flacon de sel et elle le lui fit respirer. La jeune femme ouvrit les yeux et la remercia, d'un sourire encore languissant. Penchée sur elle, la marquise contemplait avec émotion ses traits pâles, le cercle de bistre qui estompait ses yeux et donnait quelque chose de profond à son regard quand elle levait les paupières. Voyant qu'elle respirait encore avec un peu de difficulté, madame de Sizrac défit son petit manteau de jais. Un de ses manteaux courts et ajustés par derrière, plus long et tombant tout droit par devant, qui dissimule, quand cela devient nécessaire, l'ampleur des formes. En apercevant les signes non équivoques d'une maternité prochaine, la marquise se sentit prise de la pitié qu'inspire à toutes les femmes, un spectacle bien plus touchant encore pour elle que pour nous, car nulle d'elles ne peut se désintéresser de ce qui est, sera ou était pour elle-même l'occasion de tant de craintes et de tant d'espérance, d'affreuses anxiétés et d'ineffables joies. À peine eut-elle découvert ce que la forme spéciale du manteau et la demi-obscurité qui régnait dans la pièce l'avaient empêchée jusqu'alors de constater, il se fit dans le ton de la marquise un changement soudain. Elle quitta son air légèrement impertinent, ses façons hautaines de grande dame, et ne fut plus qu'une femme ayant été mère elle-même et s'apitoyant à la vue d'une autre femme qui l'allait devenir. « C'est pour bientôt ?» demanda-t-elle d'une voix très douce, en passant légèrement son mouchoir sur le front de Claire. « Oui, vous ne saviez donc pas ?»« Non, il ne me l'avait pas dit. Soyez tranquille, je le lui reprocherai, avec le reste. Comment vous sentez-vous ? » « Beaucoup mieux. C'est fini. Mais comme je suis honteuse, comme je regrette. » « Ne regrettez rien. Vous auriez tort. Vraiment, vous êtes tout à fait remise. Voulez-vous que je vous fasse reconduire dans ma voiture ? Merci, j'en ai une à la porte. Je vous assure que je vais tout à fait bien maintenant. Prenez au moins ce flacon. Comme vous êtes bonne. C'est là-dessus que je compte pour aller en paradis, madame. Vous irez sûrement. Oh oh ! Surtout si je fais bien de la morale à votre mari, n'est-ce pas ? Dame, écoutez, si vous avez des inquiétudes pour l'autre monde, je crois entre nous que cela ne pourrait toujours pas faire de mal. C'est qu'elle est charmante, décidément, cette petite femme, dit la marquise. Elle regarda Claire un instant, puis faisant un pas vers elle. Allons, venez que je vous embrasse. Vous me plaisez plus qu'il y a 2 ans, vous savez, je peux bien vous le dire. Restez comme vous êtes. Donnez un beau bébé à votre mari, cela finira d'arranger les choses. Et si vous avez besoin d'une marraine, pensez à moi. Adieu, dites à votre cocher de ne pas aller trop vite sur les pavés. » Il y avait 3/4 d'heure à peu près que Claire était partie, quand Raymond fut introduit à son tour dans le petit salon. Il avait déjeuné avec Cavaroc et 2 camarades, un vrai déjeuner de garçon, très gai, arrosé de champagne frappé. « Tiens, c'est vous, » dit Madame de Sizrac en posant sur ses genoux un livre qu'elle lisait. « Comment va ?» Elle lui tendit la main, qu'il prit et baisa, un peu plus longtemps qu'il n'était nécessaire pour être simplement poli. « Pourriez-vous me dire, » demanda-t-elle, « pourquoi vous vous croyez obligé depuis quelque temps de me baiser aussi consciencieusement la main chaque fois que vous venez ?»« Je ne m'y crois pas obligé, madame, » répondit galamment Raymond. « J'ai plaisir, voilà tout. » « Peuh, la main d'une vieille femme. Quel âge avez-vous, au fait ?»« 27 ans. »« À 27 ans, il y avait 10 ans que j'étais marié, mon ami. »« Mon fils aîné n'a qu'un an de moins que vous. » »« Si vous êtes fort en mathématiques, amusez-vous à faire le compte et vous saurez mon âge. »« Mais je n'y tiens pas du tout. »« Quelle façon cruelle de me dire que le total vous épouvante ?»« Eh bien oui, 44 ans. »« Pas loin de 45, même. » Ça vous donne-t-il encore de me baiser la main ? Irrésistiblement, madame. Et il récidiva, triomphant sans peine d'une résistance assez molle qu'on lui opposa. L'entretien prenait un tour très différent de celui que la marquise avait eu l'intention de lui donner d'abord. Madame de Sizrac le sentit. À ce moment même, comme son regard s'était porté par hasard sur le fauteuil qu'occupait Claire un instant auparavant, l'image de la jeune femme se présenta soudain à son esprit. Elle la revit, pâle, défaite, si triste, si touchante, et la pitié dont ce souvenir remplit son cœur réconforta sa volonté qui, surprise par un trouble bien connu, commençait à faiblir. Point n'est besoin d'être manichéen pour avoir éprouvé que, à certains moments critiques de notre vie, 2 instincts, l'un mauvais, l'autre bon, sont aux prises tout au fond de nous-mêmes. En pareil cas, c'était presque toujours le premier qui l'avait emporté chez la marquise. Cette fois, ce fut le second qui triompha, succès d'autant plus honorable pour lui que son rival avait, sur le terrain particulier où venait de s'engager entre eux le conflit, une plus longue habitude de vaincre. « Il me semble, cher monsieur, » reprit la marquise après un silence, « que vous êtes assez disposé aujourd'hui à dire et à faire des sottises. Vous êtes devenu d'une galanterie. Fi donc, un homme marié comme vous !» Raymond ne put retenir un geste d'impatience et, se levant, fit de long en large quelques pas dans le salon. Madame de Sizrac se polissait tranquillement les ongles avec un petit instrument d'ivoire, tout en observant du coin de l'œil le jeune homme. « À propos, elle est devenue tout à fait charmante, votre femme. C'est étonnant comme elle a gagné. Simple, douce, aimante, je ne la reconnais plus. »« Comment ? Vous l'avez donc rencontrée ?» « Non, elle est venue me voir. »« Elle est venue vous voir ? Où ?»« Dame, chez moi, apparemment. »« Quand cela ? Il y a un instant. »« Quelques minutes plus tôt, vous nous auriez trouvés ensemble. »« Ah ? Et qu'est-ce qu'elle est venue faire chez vous ? Causer ? De quoi ? De vous ? Peut-on vous demander ce qu'elle vous a dit ? Que vous la rendiez malheureuse ? Que vous la négligiez ? Je crois bien, Dieu me pardonne, qu'elle vous a soupçonné d'avoir un petit commencement d'intrigue avec moi. » « Comprend-on cela ? Vous jugez capable, ayant une petite femme aussi gentille qu'elle, de flirter avec une grand-mère ? Ce serait vraiment trop bête à vous. N'ayez pas peur, je vous ai défendu. »« Je vous en suis fort reconnaissant, madame, » dit-il d'un air un peu pincé. « Oh, il n'y a pas de quoi, c'était tout naturel. Vous comprenez que je ne tenais pas non plus à passer pour une vieille folle à ses yeux. Je lui expliquai qu'il n'y avait entre nous qu'une bonne et franche amitié. » Sans arrière-pensée de votre part, qu'il n'y avait jamais eu, qu'il n'y aurait jamais autre chose. Je l'ai tranquillisé enfin, cet enfant, et de bon cœur, je vous assure, car vraiment, je l'ai trouvée tout à fait intéressante. J'en suis charmé, grommela Raymond. Est-ce que ce n'est point votre avis, par hasard ? Si, si, mais cela ne m'empêchera pas d'avoir une explication avec elle au sujet de cette incartade. Ne faites pas cette bêtise-là, mon ami. « Allez donc plutôt la retrouver et dites-lui, « Tu es une brave petite femme. Je sais maintenant que tu m'adores. Je t'adore aussi. Embrassons-nous. Car enfin, vous vous adorez tous les deux, c'est évident. Nous nous adorons. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Allons donc. Ne faites donc pas semblant de ne plus aimer votre femme. D'abord, ce serait drôlement choisir votre heure, mon cher. Et puis, voyez-vous, si quelqu'un au monde a la vocation pour l'amour conjugal et pour la vie de famille, c'est vous. Rappelez-vous, ce que je vous dis là, je m'y connais en homme. Peut-être bien essayez-vous de vous persuader le contraire, par dépit, je pense. Parce qu'il y a eu quelques petits tiraillements, sans doute, entre Madame Blacher et vous. Mais tout cela n'est que pur enfantillage. Si je vous tenais là, tous les deux, pendant 5 minutes, je vous ferais avouer, à elle comme à vous, que jamais vous ne vous êtes plus tendrement aimé. Vous croyez que je vais vous prendre au sérieux, parce qu'il vous plaît maintenant de faire l'homme détaché de son foyer, de porter une fleur à votre boutonnière et de me tourner des madrigaux, comme un galantin de profession? Mon pauvre ami, si vous saviez comme tout cela vous va mal, restez donc ce que vous êtes, et ne forcez pas votre nature. Ne me racontiez-vous pas un jour que vous aviez été pessimiste aussi? Pessimiste, vous! Voulez-vous que je vous dise? Vous boudez votre femme comme vous avez boudé la vie autrefois. Cela n'est pas grave, cela passera. Ils parlèrent encore de choses et d'autres pendant un moment, puis Raymond prit un peu cérémonieusement congé de Madame de Sizrac. Comme il se retirait. « Eh bien, dit-elle, c'est comme cela que vous partez. Trop galant tout à l'heure, pas assez maintenant, mon cher. » Elle éleva, en souriant, la main jusqu'à la hauteur de ses lèvres. Le jeune homme effleura légèrement le bout des doigts qu'on lui tendait et sortit. Alors elle s'approcha de la fenêtre, écarta un peu le rideau, et le suivit d'un regard singulier, tandis qu'il traversait la cour. Quand il eut disparu, elle laissa retomber le rideau en se disant tout bas à elle-même. « C'est égal, il avait de bien jolies moustaches. » Et pensive, la marquise soupira.